souffrir d'épreuves en cherchant la vérité. Tu dois te donner complètement en Dieu. Souffre davantage, fais cela pour gagner plus de vérité. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau, tu dois chercher. Avoir une vie de femme paisible, garde l'intégrité, reste digne, ne l'abandonne pas pour des plaisirs éphémères. Tu dois poursuivre tout ce qui est juste pour du plaisir. Si tu mènes une vie vulgaire sans objectif, ne gâches-tu pas ta vie? Ne rejette pas toutes les vérités juste pour du plaisir. Si tu mènes une vie vulgaire sans objectif, ne gâches-tu pas